Thomas d'Aquin était à Naples, Italie, priant dans l'église des frères prêcheurs. Alors Romain, un frère laissé à Paris, qui la remplaçait dans la chaire de théologie, lui apparut. Thomas d'Aquin lui dit « Je suis bien aise de votre arrivée. Depuis quand êtes-vous ici ?»« Je suis hors de ce monde, » dit Romain. « Il m'a été permis de venir à vous par votre mérite. Je vous prie de me dire si mes œuvres sont agréables à notre Seigneur et dans quel état vous êtes. Croyez que ce que vous faites est agréable à Dieu et persévérez dans la voie où vous êtes. Je jouis de la vie éternelle, » dit Romain. Néanmoins, j'ai subi 15 jours de peine pour avoir négligemment exécuté une clause d'un testament que l'évêque de Paris m'avait donné en charge. Vous rappelez-vous combien nous avons débattu pour savoir si les sciences acquises en cette vie demeurent après la mort? Je vous prie de m'en donner solution, dit Thomas. Ne me demandez pas cela. Je me contente de voir mon Dieu. Le voyez-vous face à face, reprit Thomas? Comme je vous vois. Comme on nous l'a enseigné.